إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجدال سوات كي توفيق برمب عز وجل كي سنو تير بوبد المنتقى من إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان مملني نيجي وانتي حديث بوبا خمني عمار ابن ياسر صلو نكو تا امام احمد جيني كو تي مسندم اك نينن ني دول موم تا مو نيكون نيان غوغو غا خمني دا فا داجالي ييوي ادنا اك ييوي الاخره بو غون خولي يونتي بي صلى الله عليه وسلم نيانام ييب داي نيك نيان يو خمني داي داجالي iwi aduna ak bu al-akhirah rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar kholal lolu rek day dajale yiwu aduna ak bu al-akhirah lolu ci dina rek nga koy fek amma nak ludul dina mom yittem yeb xam nga moy lan moy aduna kesse yittem yeb aduna kesse la ba pare bañul ben yon pour jëfëndiko lo xamni danger lay nek lo xamni lor lay nek pour nit ñi wala milieu bam nek pour rek mëna atteindre bëgg bëggu adunaam lolu motax nit ñi dañoo aajo wo ñu yar leen ci diina ba paré laata ñu leen di jox xam xamu aduna wala jumtu wayu aduna nit ki bo amul yaruk dina ñu tek ci loxom xam xamu aduna wala jumtu wayu aduna lolu moy jur li xew di xew mangok manam tay ci mentalité xalé ndax fitram la nek résoudre na problème bo xamni Conseil de sécurité de l'ONU mënu ko résoudre. Ndax lan? Ndax seen bëgg bëgg, seeni caprice. Xam nga souvent dañ nan caprice su xalé. Mais yaakaarna caprice ñiko ëppalé. Moy ñi nga xam ni tay ño yor ndomba tank yi. Manam tay. Xalé bi gëna tuuti. Boko lajone lan moy solution ci guerre yi? Guerre yi ngay deg terrorisme yi hein guerre civile yi tension yi lan mo ci solution lim lay tontu xam nga moy lan nañ bayyi defar arme solution bu simple ah nañ voter à l'ONU résolution ñu arrêter fabrication d'armes science sans conscience n'est que ruine de l'âme nañ arrêter fabrication arme ah Mais bo xolé occidentaux yi ñom ñoy xex terrorisme est-ce qu'ils sont sincères dans cette lutte est-ce que ñom sincères nañ ci xex bi ñi xex terrorisme qui fabrique les armes qui utilise les terroristes armes yi terroristes yi di utiliser kan mokay fabriquer mais ce sont ces occidentaux là ils n'ont qu'à détruire les armes déjà fabriquées et arrêter de fabriquer des armes gis nga mais c'est une caprice moy tax ba duñ ko arrêter parce que business bi ci nek il y a de l'argent à se faire ya nga gis khalis bu bari mo nek ci gannaawam gis nga il y a une forme de puissance à faire valoir woné dolé guéné say armement woné li jaggi guéné ay arme lourd guéné ay arme biologique je dis bien des armes ay virus ay bactéries actuellement c'est des armes waye guenné ay armes climatiques gis nga ko ils n'ont qu'à détruire ces armes-là. Le Conseil de sécurité vote résolution. Le monde a besoin de quoi? Mais ils ont tympanisé avec la paix, la paix. Hein? La paix, la paix, la paix. La paix, ça se construit. Diam, dañ koy tabax. Ils n'ont qu'à détruire leurs armes, s'ils sont sincères. Ils n'ont qu'à détruire les fabrications d'armes. Nañ ko yak. Arrêtez jay arme bi. Diam na ñoy. Ku gisul gannaay go xexé di nga xex. Do ko tal. Xana nga jël bant di doranté. Da bant di doranté mom du mëna exploser l'immeuble. Waye. Mangok. Donc gañi pour wax ji leer ñi taxaw tay nek les gendarmes de ce monde ñom ñoy les faiseurs de désordre de ce monde ñom ñoy organiser les guerres ñom ñoy organiser le terrorisme pour sen vente d'armes mëna dox guerre bu amul usine armes yi tej guerre bu amul usine armes yi tej donc il faut qu'on guerre di am ah da ngay dem Libye. Yan arme lañ fay xexé les armes qu'utilisent les libyens est ces armes là ont été fabriquées en Libye armes yoy Libye lañ ko défaré mais ce sont les armes de la France ce sont les armes de juifs ce sont les armes des États-Unis ce sont les armes de l'Angleterre armes occidentaux yi la nga dem Yaman Yaman di yangi rayanté ci sen bir armes yi ñi utiliser fan la joggé défaruñ ko Yaman parce que Yaman bokku na ci dëkk yi gëna pauvre nga ñew Afrique Centrafrique Côte d'Ivoire fenen ak fenen arme yiñ fi utiliser fan lañ ko défaré mais arme occidentaux yi la donc il y a pas une volonté pour la paix dañuy leuré nit ñi dañuy nax nit ñi ils n'ont pas cette volonté là suñ ko bëggoon tay ñu voter résolution tay biñ bëggé attaquer Sadem hein sur le champ dafa ñu résolution biñ bëggé attaquer Khadafi sur le champ dafa ñu résolution. Et ils se disent démocrates. Démocratie, bon, ils ont fabriqué des armes, ils ont fait des armes, ils ont poussé, ils ont encouragé vers la guerre. Ils ont fait gratuitement pour se remplir les poches. C'est ça la démocratie. Si vous avez l'islam est barbare, l'islam est nyaw. Attends, l'islam est sincère. Mais ils sont hypocrites. Wax ji moy lolou. Wax ji moy lolou. Donc il faut nit ñi conscient. Il faut père de famille conscientiser sen jabot. Fu way nek gor jigen fu sa kaddu mëna egg sa jëf mën fa egg penc bi laaj na ñu conscientiser nit ñi conscientiser xalé yi conscientiser jigen ñi conscientiser gor ñi conscientiser ndaw ñi suñu bëggé la paix il suffit d'une petite volonté li goné gi wax li xalé bi wax c'est tellement simple l'ONU n'a qu'à voter une résolution d'arrêter la fabrication et la vente d'armes de détruire toutes sortes d'armes déjà fabriquées c'est tellement simple akane xonta ñu yobuko oni ba xam dinañ ko voter ñi ñu tuddé tay les pays civilisatrices ni ñu tuddé tay les grandes puissances ni ñu tuddé tay les grandes démocraties ñom ñoy mettre leur veto ci résolution bobu donc ils ne veulent pas la paix bugu ñu jamm ñom parce que ce trouble ce désordre le terrorisme les guerres mo len di remplir le poche deretu nit ñi ñuy touru deretu miskine yi touru hein xif bi xalé yi di nekké ndax tension guerre crise bi nit ñi nekké moy remplir leur poche légi ñi lan lañ mëna yaakaar ci ñom ñi li moy sen système lan lañ mëna yaakaar ci ñom amuñu diina lolu motax paré wuñ pour accueillir diina dañuy jël diina wéx ko falé ba paré wëlbeuti ko nak jël diina diko tam dem wallahu musta'an mangok donc bayil xel bu baax nit ki mënta dund sans diina su fekke bëgg na dund ci dal bëgg na dund ci jamm bëgg na dund ci dund bo xamne day téggu ci nité mangok bëgg na dund ci dund bo xamni day téggu ci nité des armes de destruction massive xolal niñ ko tuddé des bombes à fragmentation xolal ma lolu des armes nucléaires xolal ma waxatuma mais des armes biologiques vous vous rendez compte des armes biologiques jël ay virus ay bactéries def ko arme ay wéñ ay yo def ko arme waxatuma lolu dé mais des armes climatiques di utiliser le climat comme une arme vous vous rendez compte hein nit dafa ñew ci kaw souf pour défar wala pour détruire hein yow yor nga fétal yamatul fétal nga yok puissance bi bombe bo xamni day fragmenté wu dañ koy sanni mu ëmb ay bombe yu bari yi dugg ci pax yi dugg ci xour ñu tok ñetti at ñetti wër mu exploser des armes de destruction massive nga xamni buñ ko né mbiwu fenn fofu yop yaqku hein arme nucléaire kan moko ñëk utiliser fi ana Hiroshima ana Nagasaki ah mais doyna war ana Hiroshima ana Nagasaki ah bombe nucléaire ne ko miwu deuk xop sax saxatu fa yamatul xop mais liri juddu di am ay malformation ñu ne deta way nga ne nucléaire doyul damay défar ay arme biologique damay défar ay arme climatique fan lañuy jëm ataj alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima magok yaq ci kaw souf ak tour deret ya yaq ci kaw souf tour deret ñoñu tay ñoo diriger aduna bi lolu motax il faut que ñu conscient fo ay mëna nek fo mëna nek ci kaw souf doxal pour jamm prôner la paix parler la paix travailler en paix résoudre les seuls problèmes en paix bannir la violence dox ci jamm ci foule wax ci jamm muytu tension muytu fitna fu ay meuna nek doxal ci jamm waxal ci jamm ligéyel pour jamm am mangok mais ken du xaar jamm ci volonté politique dedet politiciens yi sen poche lañ fi nekkal waaw commencé ko ci ONU sen poche lañ fi nekkal buñ fi nekkulon sen poche ken doto fi jaay arme ñom trafiquant arme yeb xam nañ len trafiquant yi nga xamanteni ni hmm ay trafiquant officiel lañ ak ñi nga xamanteni ni ay trafiquant clandestin lañ ñep xam nañ len ñom xam nañ len ils les connaissent mangok kon buñ len bëggone arrêté len ñun nak ñi nga xam ni ñoy dund ci réew yi ñoo wara am fulla di dox ci jamm luñuy défar luñuy tabax ñu tabax ko ci jamm lu yewenul ñu yewenal ko ci jamm baaxal ko parce que ay baaxul fitna baaxul ñu wattandiko bu baax ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala defal ñu tawfiq defal ñu jamm defal ñu sutura assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh